pral tombe. T'en pri doutou, pas peine perdu sous compas. Aspoyant fort nous d'amour. La vie pour nous-mêmes, c'est dans ces bonnes musiques. Revive bon moment que nous t'es qu'on passé. Étant donné que nous pas joindre ça facile, faut qu'on aller danser les gens. Chez Xavier, l'œil a fini river. C'est des gens qui ont joué, qu'on va pas le tomber. Étant donné que nous pas jouer ça facile, on a l'air de faire des gens. Nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. débarqué. Débarqué, débarqué, la puerta, volona, débarqué, papá. Débarqué, oui, fuck, nous débarqué. Débarqué, la puerta, volona, débarqué, papá. Débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué. Débarqué, débarqué, la puerta, volona, débarqué. Débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué.